bang, bang, bang, bang. It's a big bang, bang, bang, bang. Pas de fiche de paye, merci l'assassin, je vais jamais taffer. J'ai arraché ton portable pour m'acheter des habits. Maintenant je pioche dans ma sacoche, je vais faire du shopping. Ce soir je dors dans un 5 étoiles, je ne mets plus les gants. Je vends plus de grammes, je galère dans l'OG, je ne fais plus de plans. Bouger la semaine, vacances 3 semaines, au soleil de l'hiver. Si tu me dis de le faire, gros, on va le faire, ouais. Et ça fait bang, bang, bang, bang. Tout le monde est dingue, dingue, dingue, dingue. Et ça fait bang, bang, bang, bang. Et c'est chacun son dos, chacun son équipe. Et ça fait bang, bang, bang, bang. Tout le monde est dingue, dingue, dingue, dingue. Et ça fait bang, bang, bang, bang. Et c'est chacun son dos, chacun son équipe. Et ça fait bang, bang, bang. Descends, je suis là. Ramène ma moula, continue les doigts depuis le mois de juillet. T'as vu ton pote là-bas? Faut le tenir, fais le Montana depuis tout à l'heure.